Oh, mes amis. Après mes mésaventures de la technoparade et son armée de tapettes en short fuchsia et en marsal jaune, laissez-moi finir de vous narrer mon week-end. Vous le savez, c'était la journée du patrimoine. Visite gratuite et parfois guidée des endroits de prestige. Là, je me suis dit, Helmut, tu dois apporter ta pierre à l'édifice. J'avais donc installé un panneau sur la façade de mon immeuble. On pouvait y lire Helmut, laboratoire mythique, le fameux HLM de la ville de Paris. J'étais donc fin prêt pour accueillir les badauds curieux de voir cet endroit culte où les nouvelles tendances du sexe se dessinent et se profilent, c'est-à-dire mein petit appartement. Vers 10h, on frappe à ma porte. Je saute du lit, je range vite fait les deux radars qui avaient partagé ma nuit, mes miasmes et mes fluides, et je vais ouvrir. Ah, d'où Jésus ? Me dis-je en découvrant le contenu de mon paillasson. Deux personnes étaient là en short beige, chemisette à carreaux et Birkenstock. Au début, j'ai cru que c'était un couple de chrétiens de gauche égarés. J'ai claqué la porte, puis devant l'insistance de la sonnette, j'ai réouvert. Une femme grosse et laide a pris la parole. « Bonjour messieurs, nous venir pour la visite patrimoine, ici être musée du Louvre ?» C'était un couple d'Allemands. « Non, c'est pas le musée du Louvre, mais rentrez quand même, vous allez voir, c'est mieux que le Louvre et toutes ces vieilleries. » Alors là, dans les halls, vous remarquerez les deux dents plantées dans les murs, souvenir d'une envie aussi brutale que brutale, et qui appartiennent à une amie qui, aujourd'hui, il faut le dire, ne m'adresse plus la parole. Ah, très jolie, jolie, moderne. Ah, j'attire votre attention sur le coussin rouge posé négligemment sur mon canapé. Il est entièrement rembourré de poils de femme, poils résidus de mes combats pour la liberté de la libido et l'humiliation de la vertu. Oh, vous parlez bien du sexe, monsieur. Ah oui, tu trouves, petite Fraulein? « Absolument, je suis tout émoustillé. Je suis comme chienne du bassin de la Roure qui croiserait gros berger allemand. Oh, »« Bouge pas la fouine, je vais trouver une occupation à ton mari. »« Hé ! Hé, le chleu ! Ça te dit du schnapps, il y en a dans le placard de la cuisine ?»« Ah, donc il se bon, ça y est, on s'occupe de lui. À nous deux, fions de l'autre. Tiens, écoute-moi ça. »« Oh, oh, mais cette musique est diabolique. Elle me donne envie de me transformer en chose libidineuse et humide. » Oh, j'ai envie d'être une éponge, un morceau de viande, prête à se faire attendrir par des mains puissantes et poilues. J'ai envie de vous dire, vas-y vieux fennec putride, prends-moi comme un sac de sable et fais-moi encaisser les soubresauts de la passion. Je suis ta chose, ah oui, je suis ton jouet, je suis ton nonos. Allez! Je peux vous dire qu'elle va pas oublier sa visite au patrimoine de la culbute, la teutonne. Bon, je vous laisse, je vais enlever le panneau HLM sur ma façade. Depuis hier, j'ai plein de prolétaires qui viennent pour visiter. Vous connaissez Main des Pauvres. J'en peux plus. Allez, au Wiedersehen.